cours numéro 30. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فماذا أخذنا في درسنا الأخير تفضل أخذنا في درسنا الأخير دعوة إلى الإيمان بالله الصبر على أقدار الله نعم على أقدار الله الصبر على أقدار الله والصبر العلماء يذكرون أنه أقسام il y a plusieurs catégories de patience العلماء ils en citent trois عندما تفضل الأولى الصبر على طاعة الله عز وجل فهو بمعنى ماذا تفضل نعم أي يصبر حتى يعبد الله سبحانه وتعالى أو يقوم بما أمر الله به يبسيونت ويسفرس أبليكي لزوض هذا يحتاج إلى الصبر صبر على طاعة الله الثاني تفضل الصبر عن معصية الله تفضل نعم يصبر ويجتنب المعاصي لأن النفس أمارة بالسوء son نفس le pousse à faire certaines معاصي فهو يصبر ويمسك الثالث تفضل الصبر على أقدار الله il faut une précision تفضل المؤلمة المؤلمة أي القدر qui demande de la patience. أما بعض الأشياء ولله الحمد ça rentre pas في هذا الباب. فلهذا العلماء يبخسيز المؤلمة مثلا une maladie مثلا la pauvreté مثلا une injustice يحتاج للصبر. لماذا شيخ الإسلام ذكر هذا الباب هنا رحمه الله المصنف تفضل أن الصبر عبادة عظيمة كلما الإنسان يصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة كذلك يبتعد عن التسخط plus la personne elle patiente et elle s'écarte de le fait de se lamenter de se plaindre de ne pas accepter عياذا بالله le destin فهذا ça montre أن هذا المؤمن لقوي الإيمان كذلك لقوي التوحيد من يقرأ هذا الباب قال الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الله رحمه تعالى بابه والإيمان بالله الصبر على إقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فعاقبته الرجل تصيبه المصيبة فليعلم أنها من عند الله فليظن سلم وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنيحه على الميت ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعه ليس من دم الضعراب الخدود وشق الجيوب ودعا ودعا بدعوى الجاهليه عن الناس رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد الخير عجل له بعقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد شر أمسك له بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظام الجزاء مع عظام البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضاه ومن سخط فله السخط حسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد أي مناسبة الباب لكتاب التوحيد، قال أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك، وذلك أن هذا الكتاب صنفه الشيخ رحمه الله في بيان التوحيد وبيان ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر، وهذا تقدم معنا في بداية الكتاب أن المؤلف رحمه الله لا يكفي هذا الكتاب كتاب التوحيد pour bien sûr expliquer, éclaircir ما يتعلق بالتوحيد أي certaines adorations الاستعانة والاستغاثة والدعاء والذبح beaucoup d'abois في هذا عبادات لله عز وجل وحده وهذا توحيد كذلك des abois أنه رحمه الله il a démontré la gravité du shirk الخوف من الشرك et كذلك le fait de porter telle chose c'est du shirk beaucoup d'abois في هذا وهذا الشرك peut être اكبر او اصغر وهنا في هذا الباب on verra que une catégorie de الرياس من الشرك الاصغر فعلى كل حال المؤلف رحمه الله يسد ابواب في هذا الكتاب اما pour montrer التوحيد وحقيقته وفضله اما pour démontrer son contraire et sa gravité الشرك بالله qu'il soit اكبر اي le grand shirk او اصغر le shirk mineur. وهنا قال باب ما جاء في الرياء. الرياء ça vient du mot رؤية. والرؤية c'est le fait de voir. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أي يعمل عملا ليراه الناس. c'est ça الرياء. أي شخص يعمل عملا وقصده c'est مراءة الناس. أي سك فلان اللي فوا فلهذا المرائي أي عيدا بالله celui qui dans son cœur il a الرياء أي fait un عمل pour que les autres ils le voient يزين عبادته إذا رآه الناس il va embellir sa salat peut-être qu'il va donner en sadaqa une somme qu'il n'aurait pas donné s'il aurait été seul ou il n'aurait rien donné peut-être ou peut-être qu'il va allonger cette ibada matalan fi salat il voulait réciter une sourate courte et il voit du monde dans le masjid fa il récite plus longtemps pour se montrer tout ça c'est min ash-shirk billahi azza wa jall qala shaykh ibn uthaymeen rahimahullah wa yadkhul fi dhalik man amila al-amal li yasma'ahu an-nas wa yuqalu lahu musammi' fa celui qui fait pour qu'on le voie c'est le mura'i ça vient de ru'ya أي صاحب الرياء donc c'est pour qu'on le voie كذلك من هذا الباب c'est le même حكم من يعمل العمل يعمل العمل ليسمع فلان pour que فلان il l'écoute et c'est la même chose في الحقيقة وهذا العلماء il appelle السمعة tu as deux mots الرياء ça vient de الرؤية la vision donc il fait pour que les gens le voient et السمعة il fait une chose pour que les gens ils l'entendent même s'ils ne le voient pas مثلاً il récite le Coran et les gens ils l'entendent même s'ils ne le voient pas il embellit sa voix il lit beaucoup plus longtemps pour que les gens ils l'écoutent et là chacun a قصد هؤلاء c'est le متح ils aiment se faire complimenter par الناس enfin, ils font cette chose ils embellissent cette ibada pour eux en espérant qu'un tel il les complimente alors que l'ibada c'est حق لله qu'est-ce que ça va changer si فلان il te complimente ou il te critique et cette ibadah elle est khalisa lillah muwafiqa li sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam maqboula 'inda rabbil alamin ça va te changer quoi rien du tout l'essentiel c'est al-jazaa al-jazaa c'est min 'indillah 'azza wa jalla est-ce que cette personne elle peut te récompenser là elle peut pas te récompenser faqat elle peut te complimenter wa ta'lamun خاصة هذا الزمن dans lequel on vit ربما il te complimente اليوم وغدا يطعن فيك فبوكوا essayer de le satisfaire même si c'est un عالم من العلماء même si c'est قريب من الأقارب comme ton père ou ta mère ou un savant ou l'imam du masjid ou un ami. C'est pas pour eux. L'ibadah, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on prend l'exemple de salat, quand il fait salat au masjid, ou le masjid en général, il y a du monde, ou tout seul chez lui, dans une chambre, personne ne voit, ça doit être la même salat. L'ibadah, les deux salat, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hadar min hadha al marad. Comme qala al a'imma alayhim rahmatullah wa minhum ibn al qayyim, أن قل من ينجو من هذا المرض كثير من الناس سنتوشي بغ هذا المرض مرض الرياء الشرك الأصغر عيدا بالله beaucoup de gens ils sont touchés par هذا fait on fait attention et on n'est pas à l'abri ومن وقع في شيء من هذا فليجتهد on fait des efforts وسيأتي إن شاء الله معنا التفصيل في الحكم نعم نقرأ لأدلة ثم نقرأ كلام الشيخ سعدي لسيتي الحكم إن شاء الله قال وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد الشاهد لعرفة du verset وتقدم معنا أن الأئمة ربما ضلوا الليفة. Il cite une partie du verset, le shahid il n'est pas dans cette partie. Et ce qui est lié au chapitre Ar-Riya, il est à la fin du verset. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ Deux conditions. Pour celui qui veut, يَوْمَ الْقِيَامَةِ que son amal soit accepté et espérer la récompense. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عَمَلٌ صَالِحًا عَلَى السُنَّةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم sans inventer, sans rajouter, sans déformer, sans diminuer, comme c'est cité dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dans le Coran. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Ça c'est le premier shart, la première condition, al-muwafaqa. Et ne pas contredire des textes, min al-Qur'an ou min al-Sunnah. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Et qu'il n'associe personne dans cette ibadah. Et c'est ça, Ar-Riya, c'est le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans une ibadah pour qu'un tel, il voit, ou fulan, il entend. فَالْمُخْلِصِ فِي هَذَا الْعَمَلِ لِلَّهِ وَحْدَهِ La deuxième condition, c'est الْإِخْلَاصِ وَهَذَا تَقَدَّمْ مَعَنَا كَثِيرًا قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ أي العلامة الشيخ صالح الفوزان في الملخص مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه أي celui qui espère rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala على خير et que son عمل soit accepté à les deux conditions فليعمل عملا صالحا et في سنة النبي صلى الله عليه وسلم c'est ça العمل الصالح ça nous montre هذا là c'est pas toutes les œuvres qui sont acceptées ce qui est accepté عند الله c'est العمل الصالح وكما قال بعض السلف منهم الفضيل رحمه الله quand ils ont expliqué ce verset quand ils ont expliqué العمل الصالح ils ont dit أخلصه وأصوبه c'est ça العمل الصالح et c'est celui qui est fondé sur l'ikhlas la sincérité والصواب الصواب c'est suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما inventer innover déformer هذا c'est pas عمل صالح لماذا لأن هذا ليس عمل كي يسيته في التكست فالعمل الصالح هو العمل كي يسيته في الكتاب وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في شرحه هذا بيان ببراءة الله من الأعمال التي فيها الشرك كما تقدم ça nous montre que c'est pas tous les أعمال qui sont acceptés العمل qui est accepté لابد له من الشرطين المتقدمين et bien sûr s'écarter de cet annulatif لأن الشرك ça annule العمل فcelui qui fait un عمل pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas son amal. Même si en apparence, c'est pour Allah. Qadir al-Qa'il, kif en apparence c'est pour Allah, et dans son fort intérieur c'est pas pour Allah. En apparence, la salat c'est l'illah. Peut-être qu'il va la faire au masjid, fi bayt min buyutillah. Lakin ce qui l'a poussé à faire cette salat dans son cœur, c'est pour fulan. Hada c'est pas un amal maqboul عند Allah subhanahu wa ta'ala. Ana aghna ash-shuraka'i 'an ash-shirk. Hada al-hadith fi al-haqiqa man ta'ammalahu wa tadabbarahu, ça le poussa à l'ikhlas. Pourquoi? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghani. C'est aghna ash-shuraka 'an ash-shirk, il n'a pas besoin d'associer. Kadhalik Allah c'est le ghani, li'anna c'est lui qui est capable de te récompenser. Qui c'est qui va te récompenser pour cette salat, pour ce hajj, pour cette hijra, pour ce talab ilm, pour hada siyam, et toutes les ibadat que tu fais et tu espères la récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yawm al-qiyamah, personne ne pourra aider quiconque. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui récompense qui il veut, azza wa jal. Donc ça nous pousse hada à adorer Allah azza wa jal. Amma al-bashar, fa tu lui donnes son haqq, al-haqq al-mashru'. Si c'est un parent, l'obéissance fi ta'atillah, le respect, l'entraide, il a akhiré. Si c'est un savant, tu prends l'ilm inda. Si tu n'as pas compris, tu lui poses ta question. Tu l'aimes fillah, il a akhiré. Si c'est un voisin, tu le respectes. Si c'est pas un muslim, tu lui montres le haq. Et tu as un bon comportement. Si c'est un muslim, il a des huquq, haq al-jar, haq al-ukhwa, al-imaniya, wa hakada. Chacun il a son haq. Amma al-ibada fa salillah wahda. On fait attention à hada. Et l'haqiqa, c'est le shaitan qui pousse un nas à embellir l'ibadat pour des autres personnes. Et si on réfléchit bien, il n'y a aucune faïda. Bel, il y a un darar azim. Il n'y a aucune faïda. Il y en a, comme on a dit, il y en a, hada l'insan, il ne peut rien te donner. Et ta'lamoun, anna kathiran minan nas, ils embellissent le salat. Si on prend l'exemple toujours de la salat. Ou il prolonge la salat. Limada liana au masjid, il y a tel savant, ou il y a tel frère, ou il y a du monde. Et rupama la ahad, il fait attention à lui. Lakin huwa, dans son cœur, il espère que les autres, ils le voient, il fait du mal à sa ibada. Ça nous montre, il n'y a aucune faïda. Et même si quelqu'un fait attention et le complimente, c'est un darar azim alayhi. Tout ça, on peut s'en écarter, bimada bit tawhid. Fali hada, al-mu'allif rahimahullah, il a cité hada al-bab huna. قال من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه وقوله غيري سانغلوب جميع المخلوقات. Que ça soit pour un proche, que ça soit pour telle personne, pour un savant, pour un parent, على كل حال, celui sa niya de faire ce amal ou de l'embellir, c'est pour autre qu'Allah, فوقع في الرياء, s'il veut que les gens ils le voient, ou في السمعة, s'il veut que les gens ils l'entendent. وقوله رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه أحمد. هذا الحديث فيه ضعف لكن il a beaucoup de shawahid et des autres hadiths qui montrent cette ma'na qui est cité via hadal hadith, khassatan la fin. Qawluhu ash-shirku al-khafi yaqumu ar-rajul fayusalli fayuzayyin salatahu ila akhirih. Hada ila des shawahid. Hadith Mahmoud ibn Labid radiyallahu anhu 'inda ibn Khuzaymah al-Imam al-Albani. Il a hassan, il a hassan kadhalik, hada al-hadith. Limada? Il y a plusieurs hadiths qui se renforcent. Wa illa, tu trouveras dans, mathalan, la chaîne de transmission, hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu, qu'on a huna fi kitab tawhid, fa fi al-isnad, fihi, il y a un dhaf clair. Lakin, on répète, anna, beaucoup de hadiths que l'ulama cite, tu peux trouver une faiblesse dans la chaîne de transmission, ça veut pas dire que le hadith il est dhaif, là. Cette chaîne de transmission elle est faible, et avec une autre chaîne de transmission, avec un verset du Coran, il renforce le hadith, et le hadith il devient hassan. Falihada, beaucoup de ces hadiths, allati fiha dha'f, al-imam al-albani yuhassinuha. Et Cheikh l'Albani sait que dans la chaîne de transmission il y a foulan et foulan il est dha'if, lakin celui qui a lu certains passages de son livre As-Sahih, alayhi rahmatullah, ya'lam hada. Anna Sheikh Al-Albani, kana ya'tani bil shawahid wal mutaba'at, un hadith da'if, il cite, rahmatullah alayhi, plusieurs autres hadiths pour le renforcer, et à la fin il conclut, annahu, il est hasan thabit. هذا من هذا الباب الحديث. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن فيه أي هذا الحديث التحذير من الرياء وتفسيره. التحذير من الرياء أي قوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. وتعلمون أن المسيح الدجال سن فتنة عظيمة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم nous a conseillé de نتعوذ من فتنته à la fin de chaque صلاة avant التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف، أي une chose encore plus grave. النبي صلى الله عليه وسلم il avait plus peur pour nous de الشرك الخافي الرياء que de المسيح الدجال. كذلك كما قال شيخ الفوزان هذا الحديث هي التفسير، تفسير الرياء أي l'explication de الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى إكسبليكي الرياء قال يقوم الرجل فيصلي، قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. سيسا الرياء أي ستهم يفا أمبليغ صلاة. لماذا؟ parce que فلان من الناس il le regarde. سيسا الرياء faire une adoration ou embellir une adoration لأن un tel من الناس il te voit. C'est ça le riya. Fa al-hadar. Al-hadar. Et l'insan daiman, il doit se rappeler anna Allah azza wa jal yara. Et vu que nous avons fait cette ibadah lillah, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Allah, il nous a créé que pour ça. Et Allah, il nous voit tout le temps. Et il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il nous entend azza wa jal. On n'a pas besoin qu'un tel il nous voie ou min hada al-bab. Allah subhanahu wa ta'ala, يعلم كل شيء. Et c'est lui qui va nous récompenser. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله باب ما جاء في الرياء ثم قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. C'est le باب suivant qu'on essaiera de lire ensemble après avoir fini هذا الباب بتوفيق الله عز وجل. قال اعلم أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة. C'est ça la base de notre الدين. الإخلاص. العلماء يكمبارا الإخلاص الروح. هذا الدين لام de ce الدين الروح c'est لام. فلام de ce الدين c'est الإخلاص. فكما أن الجسد لا يقوم إلا بروح. N'importe quel corps, il a besoin d'une âme. Ou illa, c'est un corps mayit, c'est un corps mort. Fahakada ad-din. Un din qui n'est pas fondé sur l'ikhlas, la yamfa. Qala wa huwa an yaqsad al-abd bi'amalihi kullihi wajha Allah. Wa thawabahu wa fadlahu fa yaqum bi usul al-iman al-sitta wa shara'i al-islam al-khams. Wa haqa'iq al-iman alati hiya al-ihsan wa bi huquqi Allah. وحقوق عباده مكملا لها قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة. فصوى حقوق الله سبحانه وتعالى من عبادات إلى آخره أو حقوق عباده الله سبحانه وتعالى nous a ordonné tout ça c'est le but c'est وجه الله et دار الآخرة. قال لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رئاسة ولا رياسة ولا دنيا. Et في الحقيقة هنا il a résumé les choses dont بعض الناس leur but من العمل c'est ces choses. إما pour que les gens ils le voient ou ils l'entendent. الرياء والسمعة c'est ce باب. إما رياسة مثلا il veut une place. Il va apprendre le Coran ou il va étudier l'ilm ou il va faire tel effort dans telle chose pour avoir une place. Faqat. C'est pas l'Illah Azza wa Jal. La preuve c'est que si il n'espérait pas avoir cette place, il n'aurait pas fait des efforts dans cette ibadah. Si on prend l'exemple du Coran, il apprend le Coran pour devenir imam et c'est lui qui fait as-salat et pour se montrer il a akhri. Limada li'annahu lama riyasa. Riyasa c'est la responsabilité, la présidence. Il a. العبادة سير الله عز وجل. ثم إذا فتح الله على الشخص, ça devient imam, ça devient savant, ça devient guide pour l'umma, ça devient un mudarris, ça devient un guide pour les autres, بإذن الله عز وجل, فالحمد لله ذلك فضل الله. أما que le but au départ ça soit هذا, c'est une niya fasida. لماذا؟ لأن الإنسان ربما il n'arrive pas à cette chose. Enfin, si tu n'arrives pas à cette chose, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas délaisser l'ibad Allah. C'est une ibad Allah. Que tu arrives à cette chose ou tu n'arrives pas, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min an-nas kanu yatlubun al-ilm. Lakin, pour avoir un diplôme, shahada, pour avoir une place, et à l'époque où on vit, beaucoup de places, c'est avec des diplômes pour obtenir cette place. Fa kam min an-nas, il faisait des efforts fi al-Qur'an wa fi العلم وفي الدروس pour avoir un diplôme, ils ont eu ce diplôme, ثم ils ont eu la place et ils ont délaissé العلم et c'est devenu مثل العوام. والعلماء ils mettent en garde contre هذا الصنف. لماذا؟ لأن ils ont un problème في النية. العلم أو toute autre عبادة c'est لله عز وجل وحده. قوله ولا دنيا, هذا c'est le باب suivant inshallah qu'il a cité المؤلف. C'est pour le dunya, pour de l'argent. قَالَ وَبِذَلِكَ يَتِمْ إِيمَانُهُ وَتَوْحِيدُهُ وَمِنْ أَعْظَمْ مَ يُنَافِي هَذَا مُرَاءَاتُ النَّاسِ وَالْعَمَلُ لِأَجْلِ مَتْحِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ أو العمل لأجل الدنيا, فهذا يقضح في الإخلاص والتوحيد. Et parmi les choses qui font beaucoup de mal à ce ikhlas, dont Cheikh Saadi Rahimahullah vient de résumer l'importance et les mérites, parmi les choses qui font beaucoup de mal à hadha al-ikhlas, à la sincérité, c'est ar-riya, l'ostentation, et kadhalik, c'est de vouloir ad-dunya. C'est pour ça que le mu'allif rahimahullah il a cité les deux bab, bab ma ja'a fi ar-riya thumma qala bab min ash-shirk iradatu al-insan bi'amalihi ad-dunya. Le but, pourquoi il fait ce amal, il veut de l'argent, il veut une place. Enfin, ces deux maladies, ça fait beaucoup de mal à l'ikhlas. Qala wa'lam anna ar-riya'a fihi tafsil. Il va commencer à expliquer le premier bab qu'on vient de lire ensemble. Qala fa in kana al-hamil lil-'abd 'ala al-'amal qasdu mura'at an-nas واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط. سي هذا الشخص الحامل, الحامل أي ce qui le pousse à faire cette salat ou à lire le Coran ou à donner une sadaqa, c'est que pour se montrer. واستمر هذا القصد الفاسد, et dans toute la ibadah il est hakada. Et son but maintenant, c'est cette salat de la faire parce que Foulan il est rentré au masjid. Amahou, il ne voulait pas faire cette salat. On qadr wahed, il est assis au masjid. Il a vu wahed rentrer et il se lève faire salat. Limada li anna Foulan il est rentré. Hada il est ala khatr azim. Qala fa'amaluhu habit. Hada la shakavi. Anna cette œuvre elle n'est pas acceptée. Et on a ad-dalil. Qala azza wa jal ana aghna shuraka an shirk. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. الله لا accepte pas هذا العمل. قال وهو شرك أصغر. لماذا شرك أصغر؟ لماذا؟ لأن cette عبادة ce qui va le pousser à la faire c'est Foulan, لكن quand il l'a fait c'est un مؤمن et il l'a fait لله, لكن ce qui l'a poussé à la faire c'est هذا الشخص. فدان سنية خلطن. C'est pour ça que قال عز وجل أنا أغنى الشركة عن الشرك. Il a associé مع الله سبحانه وتعالى. العلماء يقولون هنا شرك أصغر. قال ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. صحيح, لأن هذا اللي على خطر. أنه il a fait une عبادة. Au départ c'était ce qui l'a poussé à faire, c'était pas la recherche de la récompense أو رضا الله سبحانه وتعالى. لا, c'est parce que فلان il l'a vu. هذا c'est très très grave. تعلمون أن المنافقين وقعوا في الرياء. المنافقون ils font leur tous les أعمال qu'ils font c'est pour que les gens ils les voient فقط, et ils ont des maqasid. Ba'dhum c'est pour se protéger, ba'dhum c'est pour se marier avec une muslima, ba'dhum c'est pour de l'argent, ba'dhum c'est pour vivre en paix dans tel pays. Il y a des muslimines. Al-muhim, maqasid al-munafiqin ma'roufa. Lakin al-munafiq aslan la yu'min billah. Wa aslan son amal il n'est pas lillah. Et il déteste l'islam. Falihada riya'u al-munafiqin, c'est du shirk akbar. Et voilà, lian al-amal, le riya il est dans tous leurs amal. ولا يريدون وجه الله ابدا avec leur amal. اما هذا فإلى على خطر. فلهذا قال الشيخ سعدي ويخشى اي on craint que هذا العمل يتذرع به الى الشرك الاكبر عيادا بالله. Donc ça c'est le premier. الرياء dans ce cas il est du début de la ibada jusqu'à la fin. فالعمل il est باطل. Et c'est du shirk أصغر إسابو بوسي أو الشرك أكبر. قال وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. إن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس هذا صادبون. Est-ce que c'est du shirk asghar كذلك? Lakin ça dépend, est-ce que l'amal il est mardoud ou la? Cheikh Ibn Uthaymeen il a détaillé qalilan fa naqra kalama qala a rahimahullah wa hadha lahu suratan. Pourquoi? Lianna ba'd al-ibadat muttasila ay awwalaha muttasil bi akhiriha مثلا as-salah. وبعض العبادات كالحج مثلا il peut avoir de l'ostentation quand il fait le tawaf ثم عند الرمي أو عند السعي بين الصفا والمروة il a plus cette ostentation. ففي هذا الحال son tawaf s'il était fondé sur l'ostentation il n'aura pas la récompense, il est batil. Et les autres parties du hajj il sera récompensé لماذا لأنه il était مخلص. أما si c'est une ibada متصلة فألي باطلة. قال الشيخ الفوزان أو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن تكون هذه العبادة آخرها غير متصل بأولها. قال فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. نعم. إلى دنان إكزامبل رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة فتصدق بخمسين مخلصا وراء في الخمسين الباقية. مثلا واحد إلى 100 درهم. Et il veut faire sadaqa avec ses 100 dirhams. 50 dirhams pour telle personne, 50 dirhams pour telle personne. Les premiers 50 dirhams, c'est pour se montrer. Il a vu Foulan, minannas. Cette sadaqa, elle n'est pas acceptée, elle est batila. Et c'est du shirk asghar. La deuxième sadaqa, les 50 dirhams qui restent, il est mukhlis lillah azza wa jal. Cette sadaqa, elle est acceptée. Amma quand c'est une ibada muttasila, elle est batila. Qala. Deuxièmement, أن تكون هذه العبادة آخرها متصل بأولها ثم إلى détail. قال أولا أن يدافع الرياء. S'il repousse هذا الرياء. فعريب هذا مثلا في الصلاة. الرياء يدخل ثم هو يجتهد il repousse. فهذا إن شاء الله إلى على خير. قال فإنه لا يؤثر عليه شيئا. هذا طيب il repousse إن شاء الله إلى على خير. لماذا؟ لأنه il repousse هذا الشر. قال وإن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافع فحينئذ تبطل جميع العبادة. أما si il repousse pas بل يطمئن et il continue à embellir parce que les gens ils le regardent, il faut aucun effort pour repousser, فcette عبادة si on prend l'exemple de الصلاة elle est باطلة. هذا c'est un tafsil جميل de الشيخ ابن عثيمين pour préciser كلام الشيخ السعدي رحمه الله. قال on revient à la parole de الشيخ السعدي. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره. نعم ça c'est la dernière partie qu'on a lu من كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله. هذا سطيب هذا سنموت خلنا الإنسان il est pas à l'abri خاصة avec le fitan avec قلة العلم avec الشبه إلى آخر avec الدنيا. فالإنسان قد تدخل عليه شيء من هذه الرياء لكن il repousse. S'il repousse, alhamdulillah, ça ne lui fait aucun mal. قال وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. أما s'il repousse pas, son iman il descendra et son ikhlas il s'affaiblira par rapport à هذا الرياء. قال وتقوم العمل لله وما خالطه من شائبة الرياء. قال والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. Et à la fin de l'explication du premier chapitre, هنا, il a cité un, c'est très très grave et montre comment s'écarter de rien. C'est une maladie. Comment se soigner? قال والرياء آفة عظيمة. Et ça fait beaucoup de mal. لماذا؟ لأن كم من أعمال celui عياذا بالله qui est touché par cette maladie, il faut aucun effort pour la repousser. فكم من أعمال ils seront pas acceptés. Il est آثم, c'est du shirk أصغر. بعض العلماء يقولون أن الشرك الأصغر c'est plus grave que كبائر الذنوب. Même si ça ne fait pas sortir de l'islam, لكن c'est très très grave. Et يوم القيامة هذا الشخص il rendra des comptes. قال ويحتاج إلى علاج شديد. Ça, ça nous montre أن pour repousser هذا الرياء il faut faire beaucoup d'efforts. لماذا؟ لأنه إذا تمكن من القلب. Si cette ostentation elle rentre dans le cœur, il faut faire un gros effort pour la repousser. قال وتمرين النفس على الإخلاص. Il faut s'habituer هذا النفس à l'ikhlas. Et من أعظم ما يعين, c'est, on revient toujours à l'ilm, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de connaître al-bashar. Enfin, tu sais que Allah c'est le Ghani, c'est le Karim, c'est lui qui donne. Et tu sais que cette personne dont tu espères les compliments, va'ifa, elle ne peut rien te donner. وربما اليوم ثناء وغدا طعن وحقد وحسد. هذا صعيب. Tu sais que le bachar ينقلبون بسرعة. أما الله سبحانه وتعالى c'est الشكور. الله سبحانه وتعالى il sait tout et te récompensera pour les heures. أما كم من الناس يكفرون النعم ils oublient le خير. Si tu fais que pour eux ou tu veux embellir pour leur montrer, probablement ils oublient. Ça nous montre qu'on n'a pas besoin de faire pour les gens. قال ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها. Et ça c'est من أهم الأسباب pour repousser الرياء. الاستعانة بالله. Et الحقيقة في الصلاة نستعين بالله. لكن أحيانا on est في غفلة et لا نتدبر في القرآن. أما chaque صلاة qu'on fait, si on garde l'exemple de la صلاة, quand on est debout, on récite الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فنستعين بالله عز وجل. Donc pourquoi faire pour les autres? فتستعين بالله عز وجل, tu demandes de l'aide à Allah عز وجل qui t'écarte de cette mauvaise نية. Donc الدعاء c'est من أفضل الأسباب. قال لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده كذلك حسن الظن بالله. Être sûr que Allah subhanahu wa ta'ala il guidera ton cœur et être sûr que هذا الرياء c'est mauvais pour toi أخي الكريم. هذا ما يتعلق بهذا الباب المهم. على كل حال الرياء ça peut être du shirk أكبر كرياء المنافقين عياذا بالله أنهم leur أعمال tous leurs أعمال c'est pour autre qu'Allah ولا يؤمنون بالله أصلا. Et ça peut être du shirk asghar, iyadam billah, et ça annule al-ibada si al-insan ne repousse pas hada shirk. Et cette ibada, elle n'est pas faite de plusieurs parties. Si elle est faite de plusieurs parties, comme la sadaqa qu'on a cité, ou le hajj, enfin, les parties sincères, elles sont acceptées, les parties pas sincères, elles sont rejetées. Wallahu ta'ala a'lam. Naqra al-bab alladhi ba'dah, liana, ça va ensemble. Thumma naqra. شرح الشيخ سعدي رحمه الله قال باب أو قبل هذا نسيت تنبيه مهم pour conclure باب الرياء أن البعض ils ont une شبهة Et en fait, cette chouha, c'est une kaid iblis. Ce shaitan, il essaie de faire du mal aux musulmans. أن البعض وربما يتركون عملا من الأعمال خوفا من الرياء. Vu que le ria c'est grave. وبعض المسلمين à cause de leur ignorance, malgré leur ignorance, ils savent que l'ostentation, le ria c'est très très grave. أحيانا يدلس بعض العبادات. لماذا؟ لأن ils disent j'ai peur de l'ostentation. Vu que j'ai peur de ne pas la faire que pour Allah, enfin je la fais pas. هذا c'est من تلبيس الشيطان. فالإنسان يحذر. قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية مما يقع الإنسان أنه إذا أراد فعل طاعة يقوم عنده شيء يحمله على تركها اسم وساوس الشيطان أي quand tu veux faire une عبادة أحيانا une chose il ressent une chose أنه il faut pas qu'il fasse cette عبادة وساوس فقط. Et là où il pense que s'il fait cette ibadah, il n'est pas assez sincère et vaut mieux la délaisser, vu que ce n'est pas sincère. Là, ça c'est un khata. Qala ala tarkiha khawfa na'am wuku'iha na'am khawfa wuku'iha ala wajh al-riya والذي ينبغي عدم الالتفات إلى ذلك وللإنسان أن يفعل ما أمره الله عز وجل رغبة فيه. On doit faire attention, repousser هذا الوسواس. لأن هذا الوسواس كذلك c'est grave. C'est très très grave. لأن كذلك ce وسواس il peut nous pousser في الرياء. خاصة s'il y a des gens, بعضهم مثلا devant du monde, ils délaissent cette chose et ils montrent أنا j'ai délaissé cette chose par peur de الرياء. في الحقيقة en le disant il se montre. Et il veut montrer qu'il est sincère. رياء. فلهذا بعض العلماء قالوا ترك الرياء رياء. أو ترك العمل من أجل رياء شرك. On fait attention. Khayrul hadi, c'est hadi nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on revient aux savants de l'islam. Ibn Muflih, rahmatullah alayhi, démontre anna alladhi yanbaghi adamu l'iltifat. Fais pas attention à ça. Bi'idnillah, tu es sincère. Fais ta salat, même s'il y a du monde, tu devais la faire. Matalan, tu es au masjid, ou tu voulais réciter le Coran, fais le masjid. Shaitan, il fait tout pour que tu récites pas. Et tu fermes le mushaf et tu dis, vu que les gens ils me regardent où il y a du monde, je ne veux pas être sincère et ça ne sert à rien. Et tu fermes. C'est ce qu'il veut le shaitan. ثم يشغلك بالباطل. Là, افتح المصحف, récite. Et si tu sens شيء من هذا الرياء, repousse. Et tu verras qu'avec هذا الجهاد العظيم, contre Iblis et contre ton nefs, si tu es atteint par هذا الوسواس, petit à petit, ça va partir. قال وللإنسان أن يفعل ما أمره الله عز وجل به ورغبة فيه ويستعين بالله تعالى. Le même conseil que الشيخ سعدي ويستعين بالله. الاستعانة أصل كل خير. Faut pas oublier هذا يا إخوان. الاستعانة بالله. C'est pour ça que tous les jours on répète sur la Al-Fatiha 17 fois minimum si on fait les 5 salats obligatoires. Dans les 17 rak'a استعانة بالله. لكن في الحقيقة on est في غفلة. وإلا فقط si on médite que sur l'obligation. Et les 17 fois qu'on récite le Fatiha dans les 17 rak'a, si on médite sur l'isti'ana, ça va nous ouvrir beaucoup de portes de khayr. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fa nasta'in billahi 'azza wa jalla, on lui demande de l'aide pour pouvoir l'adorer sincèrement, pour repousser rien, pour qu'il nous préserve, qu'il nous protège et à akhir. Qala wa yatawakkal 'alayhi. تقدم هذا في باب التوكل في وقوع الفعل منه على الوجه الشرعي. Et ça, ça nous montre أن الموفق في هذا أي celui qui réussira c'est celui que Allah سبحانه وتعالى يوفق. فلهذا الإنسان يدمد الله سبحانه وتعالى التوفيق. التوفيق في العبادة. On ne demande pas que الدنيا comme on se conseille souvent. On ne demande pas que donner, tawfiq fi al-amal wa tawfiq fi kada et l'argent. On ne demande pas que ça. Demande à tawfiq fi dinik, qu'Allah yitawfiq, et que tu sois mukhlis et que tu suis un nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, naqra al-bab alladhi ba'dah, ça ressemble. Babun min al-shirk, iradatul insan bi'amalihi al-dunya. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الباب يغسل باب précédent. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أي démontre مناسبة الباب et pourquoi il a cité ce باب après le باب sur الرياء. قال بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. وتقدم معنا c'est la même chose que الرياء, أن celui qui fait ce عمل et il veut الدنيا فلا شك أن si son قصد son intention c'est pour الدنيا فإلى على خطر et c'est du shirk. قال ويفترق عن الباب الذي قبله أن هذا عمل لأجل الدنيا يصيب لأجل دنيا يصيبها والمرائي عمل لأجل المدح فقط. فالعلماء يفرنسي أن هذا c'est pour في الحقيقة avoir, obtenir une chose de dunya. Ça peut être un salaire, ça peut être une place, il a akhir. Le bœuf précédent, c'est le madh faqat. Peut-être qu'il ne va rien gagner minat dunya. Anna wahid, il va lui dire, masha'Allah, tu récites très très bien. Faqat. C'est pour ça que le premier, il est va'id. Le deuxième, il y a une fitna. Il y en a, c'est peut-être qu'il y a des sommes en jeu, de l'argent, une place. Amma le premier, mujarrad kalam. Donc, c'est ça. La différence. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. Il va citer deux exemples pour éclaircir ce chapitre. Comment l'insan il va faire un عمل et son but c'est الدنيا. قال رحمه الله أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن. الأذان سين عبادة. Celui qui fait l'adhan, là, bout de min ikhlas, et il fait ça lillahi azza wa jal, et al-mu'adhin, qui est sincère, il a un ajr azim, indallah yawm al-qiyamah. Farajulun, il fait l'adhan, pas pour l'ajr, c'est que pour le salaire. Mathalan, tel masjid, il donne telle somme pour le mu'adhin, qui est régulier, tous les jours, cinq fois par jour, c'est lui qui fait l'adhan. Et il lui donne une somme. Fahoua, son but, c'est que cette somme, hada arada bi'amalihi at-dunya. Deuxième exemple, un yurid al-martaba, comme un ta'allama fi kulliya liya'khud al-shahada fa turfa' martabatu. C'est l'exemple qu'on a cité. Tallab al-ilm, c'est une ibad azima. Wahid, matalan, il étudie dans une jami'a islamiya, al-ilm al-shar'i, pour avoir un diplôme. Léana, les diplômes, tu peux pas les avoir dans les marakez et la akhira, en général, c'est fil jami'at. Donc une jami'a islamiya qui donne un diplôme qui est reconnu. فهو يطلب العلم الشرعي. Ça peut être il a choisi comme discipline le Coran ou le tafsir ou l'aqida ou le hadith ou le lugha. مهم c'est علم شرعي. Donc c'est une ibadah azima. Il doit avoir l'intention lillah. هو son intention c'est d'avoir ce diplôme pour avoir la place. فقط. La preuve c'est que هؤلاء quand ils ont le diplôme et ils ont cette place, ils font plus aucun effort في العلم. عيادا بالله. هذا c'est très très grave. Et ces deux exemples تكلخصيس أكثر هذا الباب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الآيتين للباب les deux versets qu'on a lu من سورة هود. قال أنهما بينتا حكم من أراد بعمله الدنيا ومآله في الدنيا والآخرة. نعم عيدا بالله. أما الحكم on le lira من كلام الشيخ السعدي رحمه الله فنكمل الباب. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. هكذا الدنيا كيف font que pour الدنيا. Si on leur donne ils sont satisfaits, si on leur donne pas ils sont pas satisfaits. Ben, ils se plaignent et Arubama, ils disent des mauvaises paroles. Ça montre qu'il y a celui qui fait l'Allah, il n'y a pas de ça. Mathalan, c'est un mudarris, ou un imam fil majid, ou un muadzin. Celui qui l'aide, alhamdulillah. Et si on ne lui donne pas, on ne l'aide pas, alhamdulillah. Limada, il y a son qasd, c'est ridallah, subhanahu wa ta'ala. Qala, ta'isa wa antakas, wa idha shika falantakash. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع مع هذا إلى مخلص محبوب عند الله مم سيلي على هذا الحال et que ربما العباد lui donne pas d'importance s'il demande personne ne lui répond s'il veut une chose personne ne lui donne du temps لكن عند الله il a une place عظيمة لماذا c'est l'ikhlas tu peux trouver un autre il est connu عند الناس il a une مسؤولية il a جاه عند الناس il a une place il a آخر لكن مبغوض عند رب العالمين c'est quoi la différence c'est le cœur l'ikhlas قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة الحديث للباب النبيه ذم العمل لأجل الدنيا ومدح العمل لأجل الآخرة نعم تعس عبد الدرهم أي هذا الحديث يمونتر أن بعض الناس سيدبنوا دي عباد للدراهم والدنانير أي للمال c'est pour ça que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a comparé à des عباد عبد الدينار Alors que normalement, nous, on doit être des ibad, l'illahi azza wa jalla. Mais certains gens, vu que leur a'mal, tout ce qu'ils font, c'est pour le dunya, ils adorent cette dunya. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés abdu al-dinar, abdu al-dirham. Qala al-Sheikh Sa'di rahimahullah. Wa amma al-amal. Donc, la deuxième partie du sharh, c'est sur le bab précédent. أو باب suivant. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا سحال المنافقين نفاق أكبر أن طول أعمال tout ce qu'ils font c'est pour la dunya il y a aucune part pour الآخرة عيدا بالله ولا يريدون وجه الله أصلا فالجهاد كيف font الصلاة الحج et tout ce qu'ils font من أعمال c'est pour الدنيا عيادا بالله حال المنافقين فهؤلاء قال فهذا ليس له في الآخرة من نصيب هذا لا aucune part dans l'au-delà وهذا c'est من الشرك الأكبر قال وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة صحيح أما مؤمن il peut pas faire tous ses أعمال pour autre qu'Allah عز وجل قد يضعف et il est attiré par le mal et il fait telle chose pour avoir tel diplôme pour avoir de l'argent لأنه il a besoin il a آخر هذا il est ضعيف الإيمان il est ضعيف الإيمان et ce qui est sania qui là elle est très très grave لكن ça reste un مؤمن contrairement au premier cas قال ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة نعم C'est pour ça que tu trouves même le mu'min, même le plus vaïf des mu'minin, tu le trouveras en la chakana, en certaines de ces ibadat, c'est l'Illah Azza wa Jalla. Même s'il mélange, lakin, certaines de ces ibadat, c'est l'Illah. قال وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص هذا إن ضعف الإخلاص إن ضعف الإيمان أي فعمل أي une partie c'est لله عز وجل une autre partie c'est pour avoir telle place pour avoir tel salaire هذا لا شك أن son توحيد il est ضعيف et هذه النية elle est très très grave لكن ça reste un مؤمن أي c'est du shirk asghar ça le fait pas sortir de l'islam comme تقدم معنا في الباب السابق قال وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل وعلى العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق وكالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين هذا سنتنبيه de الشيخ سعدي رحمه الله ne pas comprendre أن celui qui fait une عبادة ثم on lui donne un salaire en échange أنه وقع في الشرك أو أنه ça fait du mal à son دين أو أنه il est pas sincère لا si il demande rien Lakin, مثلاً, on prend l'exemple de Al-Masajid, comme c'est le cas, walillahi alhamd, dans les pays musulmans. Annahum izad l'imam. L'imam, l'anahu yatafarra. Il passe son temps, il donne du temps, que ce soit fait Ramadan ou autre Ramadan. Ba'adhu l'a'ima, il donne du temps aux enfants, il leur enseigne le Coran, kadhalik, il doit être présent les cinq salawat. Il fait un effort, lillahi azza wa jal. Si, que ce soit Dawla, al-awqaf, qui l'aide avec un salaire, ou les voisins qui rassemblent de l'argent et lui donnent wahoua, il ne demande rien, ça ne fait aucun mal. Il a rien demandé. Dans la kalima qu'on avait fait sur Dham al-Mas'ala. Ou hadith, qissat Umar radiallahu anhu, ma'roufa, mashoura. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, cet argent, si on te le donne, prends-le. Prends-le si on te le donne sans rien demander. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a démontré, il faut faire attention de ne pas demander et s'accrocher à cette demande. حتى si واحد يدن pas فالإنسان ربما يقلق هذا ça fait du mal وإلا si واحد يدن et الإنسان لا rien demandé même si c'est pour une ibadah فالحمد لله أما ما يفعل بعض الضلال à notre époque que ça soit en France ou autre أن leur دعوة est fondée que sur المال الحقيقة c'est une دعوة إلى الضلال بعضهم c'est une دعوة إلى الزندقة. Ils appellent à la liberté, à la tolérance, à aimer les kuffars et la akhirah. Hatta al-ba'd, iyadan billah, ra'ayna annahum, ils font des formations l'an. C'est fondé que sur le mal. Jahilun. Wallahi, hatta al-kalam, la yuhsin al-kalam. Ils ont du mal à parler. Et ils n'ont pas étudié ha'oula. Ha'oula, wallahi, leur but c'est que le mal. Et tu les trouves, anna wahad minhum, jahilun. Et il fait des formations, telle somme, une formation pour leur salat. Telle somme, une formation pour kadhab. Et c'est un kadhab, mon harif. Et leur but, c'est de rassembler un moual al-nas. Là, ils ont un problème, fi hadha al-bab al-azim. Wa ba'dhuhum, ils organisent des voyages au nom de da'wa. Et tout ce qu'ils font, c'est fi al-mal. Hatta qabla ayyam, on a vu, wahad, il a fait des réductions. Iyadam billah. Il fait une formation pour telle chose et des sommes à la base, des sommes, c'est pas donné. Thumma, ils ont baissé le prix pour encourager l'imam. Normalement, et il délaisse هذا الشأن لأنه il est pas capable. ثانياً إن وفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. Celui qui l'aide, الحمد لله. Et le but, ça doit pas être هذا. فلهذا تتخوف هؤلاء خاصة في بلاد الكفر يسون في ضعف كبير. Pourquoi ils appellent qu'à la tolérance, à ne pas avoir la haine envers les kuffars, إلى آخره. Tous ضلال. لماذا؟ لأن بسبب المال أولا. كذلك ضغوطات الكفار ثانيا. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Vous avez remarqué que leur durus, c'est que sur il faut être aimable avec le voisin, il faut être aimable avec Foulain, il faut avoir le sourire, il faut. C'est que ça leur durus. La amr bil ma'ruf, la nahi anil munkar, la tawhid, la aqida, la wala, la bara, wala shay. Wa yatasattaruna hadhihi al ayyam taht sitar al tamadhhab, khasatan bi madhhab al imam Malik rahmatullah alayh. Et c'est des kadhaba. Ayna hum wa ayna madhhab al imam Malik, fal hadhar. والتحذير من هؤلاء. C'est pour ça que c'est important هذه الأبواب. أما هؤلاء, ils ont fait de leur da'wah qui appelle au shir et à l'innovation et à l'égarement مدخلا للمال. لا شك أن النية فيها ما فيها والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل. قال ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيل ذلك. فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها والله أعلم. نعم, هذا التفصيل سنمونتخ أن ne pas exagérer, penser que celui qui a reçu de l'argent alors qu'il a fait un amal, une ibada ou quelque chose pour la da'wa, il ne doit pas prendre cet argent et c'est du shirk, il a une mauvaise niya. Là, Là, elle avait à tafsir, celui qui prend parce qu'on lui a donné et il n'a rien demandé, fa alhamdulillah. Ma hadha al-hadr, si on te donne et c'est avec des conditions, khasatan on parle pour ad-da'i ilallah et pour le mustaqim, pour talib al-ilm, pour celui qui fait des efforts, et on te donne, lakin avec des conditions, et on te donne et tu dois acheter forcément tel livre et tu ne dois pas écouter un tel. Et hadha al-bab, c'est du shirk kadhalik, même si tu n'as pas demandé. Les anna al-ba'd, ils ne donnent pas l'illah pour que tu avances fi da'watik. Là, al-ba'd, ils donnent pour t'écarter de ta da'wa, fahdhar. Mais si quelqu'un te donne, khasatan tes parents, ou tes proches, ou tes amis, walillahi alhamd, et tu sais, anta annahum, ils veulent ton khayr, falhamdulillah. C'est un khayr qu'Allah t'a donné, fa profite-en, fais du khayr avec. Al-yad al-ulya, khayrun min al-yad al-soufla. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. نبص على notre deuxième درس.